Nous saluons chacun de vous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dans Agé au chapitre 1. Mwaje sura yake ya kwanza. Tuombe. Seigneur, merci. Bwana santi. Nous nous sommes séparés depuis dimanche. Tuliachana tangia siku ya muyenga. Et tu as permis que cet après-midi nous soyons ensemble. Na uriruhusu mangaribi ya leo tupate tena kukusanyika. Tu connais nos problèmes et nos besoins. Unajua mambo zetu na mahitaji yetu. C'est pourquoi nous approchons de toi. Juko maana tunakukaribia. Parce que pour nous, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Wetu sisi huku msaada asipokosekana wakati ya taabu. Tu es près des cœurs qui sont affligés. Huku pembeni ya mioyo yenye kuzunishwa. Console les frères et les sœurs. Kufariji banduku na badada. Qui se trouvent dans une période d'épreuve. Wale wanapatikana wakati ya majaribu. Et accorde-leur la paix. Uwapatie salama. Bénis ce service ce soir. Ubariki ikazi ya mangaribi. Et n'oublie pas de pardonner nos péchés, nos iniquités. Usisabu kurumia maovu yetu na zambi zetu. Parce que nous sommes des humains. Wani tuku binadamu. D'une manière ou d'une autre, nous t'offensons. Munamuna moja na ingine tuku na ukosea. C'est pourquoi tu es venu un homme. Juko mana ulikuwa mutu. C'est pour comprendre notre situation. Juu ya kuelewa hali yetu. Seigneur, merci. Bwana asanti. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Agé au chapitre 1. Agé sura yake ya kwanza. À partir du verset 2. Kwanzia mustari ya pili. Ainsi par l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa majesi anasema. Ce peuple dit. Hii taifa iku nasema. Le temps n'est pas venu. Wakati aia enea. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Wakati ya kuyengulula nyumba ya wa milele. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ce mot. Joko mana neno ya wa milele ikawaelekea kupitia Agé nabi muhimu semo. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos maisons l'ambrisées. Eti hii wakati jo yenu ya mwe kuikala manyumba yenu yenye kupamba mzuri. Quand cette maison est détruite. Wakati nyumba ya Mungu inabomolewa. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Hivi anasema wa milele wa majesi. Considérez attentivement vos voies. Mwangarishishe mzuri mzuri manjia yenu. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Mungu napanda vya mingi lakini munavuna kidogo. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Mungu nakula na amoshibe. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Mungu nakunywa lakini amutoshe kiu yenu. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Munavaa lakini amuna na kifukutu. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac troué. Mushara ya ule kuna tumika iko naangukia mu mfuko ya kutoboka. Ainsi parle l'Éternel des armées. Hivi wa milele wa majesi anasema. Considérez attentivement vos voies. Mwangarishishe mzuri mzuri manjia yenu. Montez sur la montagne. Mupande pamulima. Apportez du bois. Mulete mankuni. Et bâtissez la maison. Na muyenge nyumba. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Dit l'Éternel. Takuwa katika furaha na tatukuzwa hivyo wa milele anasema. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Dimanche nous sommes un peu attardés sur les comportements de ces enfants d'Israël qui sont retournés de la captivité. Musiku ya yenga tuligawia sana pa kuangalia mwenendo ya watoto ya Israeli wale walitoka mbutuma na kurudia mu Israeli. La volonté parfaite de Dieu en retournant Israël dans son pays natal. Mapenzi kamilifu ya Mungu mukurudisha Israeli mu nchi yake ya kizarikio. Était de construire le temple de Dieu qui avait été démoli au temps du roi Nebuchadnezzar. Ilikuwa ni yabo bayenge ekalu ya Mungu ile ribomolewa na mfalme Nebuchadnezzar. Dieu les avait envoyés en captivité à Babylone comme punition. Mungu alibatumwa mu Babeli mu mfungwa sawa malipizi. Et après 70 années, il devait retourner dans le pays de la promesse. Kisha miaka makumi saba balipashi kurudia mu nchi ya malako. Et après ce châtiment, ils sont retournés dans le pays. Kisha ima piko barirudia mwinchi. Mais à cause des difficultés de la vie, alakini kwa ajili ya ugumu ya maisha, au lieu d'abord de s'occuper de l'œuvre de Dieu, pali yabo kwanza kuangaikia kazi ya Mungu, mais ils ont commencé à s'occuper d'eux-mêmes. Alakini bo barianza kujiangaikia bo wenyewe. Ils ont commencé par construire leur propre maison. Barianzia po kwanza kuyenga manyumba yabo wenyewe. Ils ont commencé à rechercher le bien matériel. Barianza kutafutisha bitu ya kimwili. Ils voulaient stabiliser leur vie sociale. Baripenda wakue na stare ya maisha. Ils vendaient, ils achetaient. Barikuwa na uza na kuuzisha. Ils bâtissaient des maisons et ils plantaient des champs. Barikuwa na jenga manyumba na kulima mashamba. Ils sécurisaient leur vie sociale. Barikuwa na weka ukingo maisha yabo kawaida. Mais ils avaient oublié complètement l'œuvre du Seigneur. Alakini barisabu kabisa kabisa kazi ya Mungu. Et Dieu n'était pas content. Na Mungu ashikufurahi. Il s'était plongé sous la malédiction. Barijitumbukiza mulana. Il travaillait beaucoup pour ne rien recevoir. Barikuwa anatumika sana alakini hapati kitu. Parce que Dieu était contre ce qu'il faisait. Ju Mungu asikukubali bile barikuwa anafanya. Parce que sa maison était négligé. Kwani nyumba yake barisula. C'est pourquoi le Seigneur leur pose la question de savoir. Je commande à Bwana Mungu anabauliza ulizo. Lorsque vous laissez ma maison être détruite. Ya kwamba wakati mnaacha nyumba yangu inabomolewa. Est-ce que c'est ça aussi le moment favorable pour vous d'habiter dans vos maisons bien décorées? Eti ina hiyo njoi wakati ya mafaa kwenu kuikala ma nyumba yenu yenye upamba mzuri. Il n'avait pas compris. Aba kuelewe kitu. C'est pourquoi nous avons insisté en ce qui nous concerne. Jokamana turweka mukazo kwa yenye kutuelekea. Dans notre vie en tant que chrétien, mumaisha yetu sawa ba Kristo, nous devons privilégier avant toute chose l'œuvre de Dieu. Tunapashi kutangurisha mbele ya vitu vyote kazi ya Mungu. Nous devons privilégier le travail ou l'œuvre de notre âme. Tunapashi kutangurisha mbele ya yote kazi ya nafsi yetu. Nous en tant que temple de Dieu. Sisi sawa ekalu ya Mungu. Dans lequel Dieu doit venir habiter. Mule Mungu anapashi kuja na kuketi. Il est fondamental que nous mettons à l'œuvre. Ni ya mafaa kabisa tupate kutumikisha. Pour mettre pierre sur pierre. Juu ya kuweka ribu ya yule ya ribu ingine. Jusqu'à la statue de l'homme parfait. Kufika na mukimo ya mtu mkamilifu. Et lorsque le Seigneur viendra habiter nos cœurs, wakati Bwana atakuwa kuketi mumio yetu, nous ferons la joie de son cœur, tutampendeza Bwana Mungu, et il fera prospérer le reste entre nos mains, na atatajirisha mabaki mikono yetu. C'est une chose qu'il ne faut jamais oublier. Ni kitu kila akipashi kama kukisabu. Donc c'est une difficulté entièrement intérieure que ces hommes ont passé. Ni magumu ya ndani ile baba tubaripitisha. Maintenant, il y a une autre difficulté que ces hommes ont traversée. Kulikuwa magumu ingine ya baba tubaritambuka. Les travaux furent arrêtés et cela c'était pendant 3 ans. Kazi ya majengo baliisimamisha na ilikuwa ni kadiri ya miaka 3. Et pendant ces 3 ans, il y avait la guerre. Mwile kadiri ya miaka 3 kulikuwa vita. Mais il y a eu des ennemis. Alakini kulikuwa baadui. Qui ne voulait pas que la maison de Dieu soit construite. Ils étaient contre ce qu'Israël était en train de faire. Dans Ezra au chapitre 4, prenons un peu cela. Ezra sura ine. Commençons au verset 1. Transition musari ya kwanza. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les filles de la captivité bâtissaient un temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Baadui ya Yuda na ya ba Benjamina baripata habari ya kwamba batoto ya mfungwa balikuwa na jenga ekalu ya wamilele ya Mungu wa Israeli. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent. Bakakuja mbele ya Zorobabeli na ya wakubwa wa majami na kubaambia. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Tutajenga pamoja na mweye, kwani sawa mweye tutaita Mungu wenu. Nous invoquons. Tutaomba Mungu wenu. Nous invoquons. Tukunaomba Mungu wenu. Et nous lui offrons deux sacrifices depuis le temps de Tsar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Tukuna toa masadaka tangia wakati ya Ezra, Ezra Adon, mfalme wa Suria, ule ali tufikisha kutupandisha umu. Regardez le comportement des ennemis de Juda. J'aime que vous retenez cela. Tazameni namna ya kutenda ya baadui ba Yuda. Mimi napenda mushike ile. En réalité, ces hommes ne faisaient pas partie de la race juive. Katika ukweli, aba watu abakukwe kipande ya kizazi, abakwe watu wa kizazi ya wa Yuda pana. Ce sont des gens de nation qui avaient été placés dans le pays de d'Israël. Barukwa bantu ya mataifa bale barikala muinchi ya Israeli. Lorsque Israël est allé en captivité à Babylone. Wakati batoto wa Israeli barendo mufungwa kule ku Babeli. À un certain moment, lorsque ces hommes furent placés sur le territoire d'Israël, kwa muda fulani wakati hapa watu barikala muinchi ya Israeli kwa muda, Dieu avait envoyé des lions et des bêtes féroces pour les tuer. Mungu alituma basimba na banyama ba makali juu ya kubaua. Parce qu'ils vivaient très mal. Kwani barikuwa naishi mbaya. Ils étaient idolâtres. Maintenant, on envoya des messagers au roi d'Assyrie pour lui dire, ces gens que tu as amenés sur la terre d'Israël ne savent pas comment adorer les dieux de ce pays-là. Ya kwamba aba watu naweka muinchi ya Israeli abajue namna kani ya kumwabudu Mungu wa Israeli. Et le dieu d'Israël a commencé à envoyer des bêtes féroces qui les dévorent. Na Mungu wa Israeli anaanza kubatumia wanyama wa makari ile inaanza kubakula, kubaua. C'est ainsi que le roi chercha un sacrificateur qu'il envoya sur qu'il envoya dans le pays de Juda pour enseigner à ses inséconcis comment servir les dieux d'Israël. L'objectif principal était d'arrêter la mort dans leur camp. Ilikuwa ni ya kushimamisha tu lufu mukampi yabo. Ce n'était pas pour croire au Dieu d'Israël. Haikukwe juu ya kumuamini Mungu wa Israeli hapana. Il voulait servir le Dieu d'Israël pour qu'il le protège. Baripenda wa mutumikie Mungu wa Israeli juu apate kubalinda, kubakinga. Et en même temps, il continue à servir leur Dieu. Alakini, barikuwa tena nendelea kutumikia miungu zao ya mataifa. Vous voyez. Munaona. Et c'est ce qu'ils ont fait. Na ncho kile barifanya. Ils servaient leur Dieu. Barikuwa natumikia miungu zao. Et en même temps, ils se forçaient à honorer le Dieu d'Israël. Tena barikuwa najikaza juu ya kuheshimia Mungu wa Israeli. Mais regardez. Sasa tazameni. Ils sont aussi restés longtemps dans ce pays. Na wao walibaki muda mrefu mu inchi. Alors quand les propriétaires du pays sont rentrés, wakati benye inchi benyewe barirudia, ils se sont sentis très mal à l'aise. Barisikia mbaya kubaona. Ils ne voulaient pas le voir retourner dans le pays de la province. Bende babaone barudie mu inchi yao malako. C'est ainsi qu'il suivit Zorobabel. Jo pale barimufuata Zorobabeli. Il dit, écoutez Zorobabel. Na kumwambia, et vous les chefs d'Israël. Usikie we Zorobabel na mwe bakubwa ba Israël. Que vous voyez ici. Shiaba munaona. Nous sommes au service du Dieu d'Israël. Tuko na mutumikia Mungu wenu wa Israël. Comme vous êtes revenus pour bâtir la maison de votre Dieu. Bile munarudia juu ya kuyenga nyumba ya Mungu wenu. Nous sommes prêts. Tuko tayari. À vous prêter main forte. Kumisaidia. Que cette maison soit rétablie. Tu inyumba ipate kujengululwa. Nous allons vous aider. Pour que cette maison inyumba soit construite. Ipate kujengewa. C'est un piège. Ilikuwa ni mtego. Que ses ennemis tendaient. Aba baadui balitekea. À Zorobabel. Zorobabeli. Et à tous les captifs qui étaient rentrés. Na bafunga bote bale barirudia. Mais Zorobabel était un homme averti. Alakini Zorobabel alikuwa mtu mwenye ukalamushwa. Il a refusé catégoriquement. Arikatala kabisa kabisa. Avec les sacrificateurs. Pamoja na bakuani. Pour s'associer avec ces impies. Arikatala bashungane na bale baofu. Afin qu'ils construisent ensemble une maison sainte de Dieu. Ubashijenge na bo pamoja nyumba takatifu ya Mungu. Zorobabel a dit à ces messieurs. Zorobabel alisema na babatu. Vous et nous ne construirons jamais la maison de l'Éternel. Mwenye pamoja na sisi hatuwezi kama kuyengea wa milele. Nous avons reçu fatana na agizo tulipokea du roi de Perse. Ya mfalme wa Persia. C'est à nous seuls. Ni kwetu sisi peke yetu. Qui devons reconstruire la maison de notre Dieu. Jo tunapashi kuyengulula nyumba ya Mungu wetu. Ah ça j'aime beaucoup. Hii mimi napenda sana. Un chrétien doit connaître sa position. Mon Christ anapashi kujua msimamo wake. Un chrétien mon Christ défend ce qu'il fait pour le Seigneur. Eko na kombania kile kuna mtumikia Bwana. Oui bien mes frères. Dio ndu kumpendwa. Regardez dans le verset 3. Tazameni mstari ya 3. Mais Zorobabel. Alakini Zorobabel. Joshua. Et les autres chefs de famille d'Israël. Na bakubwa mengine mama ya Israel. Wakawajibu. Ce n'est pas à vous et à nous. Aina kwenu mwoye pamoja na sisi. De bâtir la maison de notre Dieu. Ya kujenga nyumba ya Mungu wetu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel. Tutaienga sisi wenyewe kwa wa milele. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Comme nous l'a ordonné, Cyrus, roi de Perse. Haka vile walituagizia kwa Suero, mfalme wa Perse. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Nous ne devons pas nous associer atuwezi kana kuungana avec les impies na batu baovu pour faire l'œuvre de Dieu jia kufanya kazi ya Mungu. Non et non et non et non et non. Hapana na hapana na hapana. On ne peut pas s'associer avec des méchants pour faire l'œuvre de Dieu. Atuwezi kuungana na batu baovu jia kufanya kazi ya Mungu. Hapana. C'est là il faut. Ni kibaya. Un méchant, mutumba ya muovu, un impie, mutumuovu, ne peut à aucun cas, awezi kamwe, faire l'œuvre de Dieu. Ufanya kazi ya Mungu. Un méchant au milieu du peuple de Dieu, mutumba ya katikati ya taifa ya Mungu, sera toujours là, atakuwa pale kila wakati, pour mettre les bâtons dans les roues, Dieu akutega mitego. Des enfants de Dieu. Yana kuzuiza batoto ya Mungu. C'est vrai frère. Mbia kweri nduku. C'est vrai ma sœur. Mbia kweri dada. Quand vous prenez mukichugua dans 2e Corinthiens. Mwa Korinto wa pili au chapitre 6. Sura yake ya 6. Dans son verset 14. Mustari ya 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étrangers. Mushikale pamoja na bakutokuamini chini ya nira ya kigeni. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mushikale pamoja na basipokuamini chini ya nira ya kigeni. On ne peut jamais s'associer avec des impies pour faire l'œuvre de Dieu. Hatuwezi kamwe kuungana na watu waovu juu ya kufanya kazi ya Mungu. Lorsqu'on s'associe avec des méchants, ukiungana na watu babaya, l'œuvre de Dieu ne peut jamais prospérer. Kazi ya Mungu haiwezi kamwe kuendelea. Le méchant qui se trouve parmi le peuple de Dieu. Les méchants. Ils sont là, c'est pour épier la liberté des enfants de Dieu. Ils sont là pour freiner l'œuvre de Dieu. Ils sont là pour décourager le peuple de Dieu. Et vous devez noter cette chose-là. Mais lorsque Josué, Zorobabel et les anciens d'Israël leur donnèrent une réponse négative, wakati Yoshua, Zorobabel, na wazee wa Israël wali wakataria, ces hommes étaient devenus très, très jaloux. Ababatu barisikia buivu kabisa. Ils se sont mis en colère contre Israël. Na barishirikia Israeli. Et ils ont fait tout pour décourager les enfants d'Israël. Barifanya yote juu ya kulekesha watoto ya Israeli. Ils ont tout fait. Barifanya yote. Même à prix d'argent. Hata kulipa franga. Pour que l'œuvre de Dieu n'avance pas. Juu ya kazi ya Mungu siendelee. Ils ont tout fait. Barifanya yote. Avec des calomnies auprès du roi. Na masingizia mbele ya mfalme. Pour que cette œuvre que Dieu avait commencé puisse s'arrêter. Juu ya ile kazi Mungu alianza ipate kusimama. Frères et sœurs. Dukuna dada. Même dans l'église aujourd'hui. Hata mukanisa leo. L'église est une foule mélangée. Kanisa ni kundi yenye kuchanga ya mchango bantu bakuchanganika. Tout le monde qui est dans cette église n'est pas là pour le salut. Mutu wote mwenye upatikana mukanisa ashukue juu ya kuokolewa hapana. Chacun a ses motifs. Kila mtu eko na kifukuzio yake. Chacun a son objectif en étant ici. Kila mtu eko na kifukuzio yake kila alifuata hapa. Si tout le monde dans cette église kama bantu bote mu kanisa était venu uniquement pour le salut, kama walikuya tu juu paka ya kokolewa, tout le monde serait sauvé. Batu bote bange okolewa. Et l'église marcherait comme un seul homme et avec victoire. Na kanisa ilipashi kutembea sawa mtu moja na pamoja na ushindi. Mais dans l'église, il y a toujours eu des méchants. Alakini mukanisa munekalaka kina mara batu baovu. Partout où Dieu commence une œuvre, il se glisse toujours des impies. Fazi yote ile Mungu akonanza kazi kunekalaka kuna jingiza baovu. Et tous ces méchants et ces impies qui se glissent parmi le peuple de Dieu, na ba baovu batu babaye wale wanajingiza katikati ya taifa ya Mungu, ne viennent pas pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Abakuyake juu kazi ya Mungu ipate kuendelea. Ils viennent pour comme des instruments du diable. Bekona kuja sawa vyombo vya shetani dans le but défreiner l'œuvre de Dieu. Mukifukuzio ya kusimamisha kazi ya Mungu. C'est vrai. Mbia kweli. Que vous le vouliez pas, c'est la vérité. Upende wala upende ni bia kweli. C'est pourquoi vous voyez, il y a dans l'église plusieurs comportements que nous voyons parmi les frères et parmi les sœurs. Ndio kwa maana mko naona mkanisa, mko namna ya mingi ya kutenda ile tu kunaona katikati ya banduku na ya badada. Peu importe la parole de Dieu qui est apportée. Aizuru neno la Mungu ile inahubiriwa. Il y a les ennemis de Dieu et les ennemis de l'église qui font tout pour l'affaiblir. Kukuba adui ya Mungu na adui ya kanisa wale wako nafanya nguvu ya yoyote juu wapate kulekesha. Il ne marche pas selon la conduite du Saint-Esprit et selon la parole qui est apportée. Awatembe kufatana na uongozi ya Roho Mtakatifu na uongozi ya neno la Mungu inahubiriwa. Mais il marche selon leur propre pensée et selon le plan du diable. Lakini bo wanatembea kufuatana na mawazo yabo na kufuatana na mapu ya shetani. Oui, bien aimé frère et sœur. Dio ndugu na dada mpendi. Tout homme. Mutu wote. Ou toute femme. Wala mwanamke wote. Qui travaille contre l'intérêt de Christ. Wala natumika kinyume faida ya Kristo. Contre l'intérêt de l'église. Wala natumika na kinyume ya kanisa. C'est un impie. Ni mtu ovu. C'est un méchant. Na mtu mubaya. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. On trouve dans l'église. Munapatikana mkanisa. Des hommes et des femmes. Wanaume na wanawake. Qui ont seulement comme travail, vale beko tu pak na kazi. C'est de décourager. Ni ya kulekesha. Les frères, les sœurs. Bantu kuna badada. Ils sont là, elles sont là. Beko ako wanaume na wanawake. Elles sont dans l'église, elles ne quitteront pas l'église. Beko mkanisa bo, abatatoka mkanisa. Quand ils parlent. Wakati wako nasema. Quand ils parlent. Wakati wako nasema. Il parle de manière à décourager ceux qui veulent avancer avec le Seigneur. Même au temps de Jérémie, Jérémie l'a dit, il y a des méchants qui sont dans la maison de l'Éternel, qui sont parmi les peuples de Dieu. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Si nous tous, kama sisi wote, nous étions venus tulikujaka, rien que pour le salut paka tujia kokolewa, et pour l'enlèvement, na juu ya kunyanyuliwa, on ne verrait jamais parmi les membres de cette église katikati ya bamemba ya kanisa, des calomnies, de la jalousie, des fausses accusations, de la haine, chuki, de la division, vous voyez, munaona, des propos méchants, mbaya, des mauvais sentiments à l'égard des frères et sœurs, ya mbele ya des mauvaises pensées, mbaya, des inimitiés parmi nous, des rancunes, des mécontentements, des querelles entre frères et sœurs. Ya na on ne verrait pas cela. Atunge biona bile apana. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu na dada. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. L'église ne peut pas avancer quand les gens ne s'aiment pas. Kanisa yesi kuendelea kama watu hawapendani. Quand les gens kama calomnie, kama watu les uns les autres. Leko nasingiziana pamoja kwa vingine. L'église ne peut pas avancer. Kanisa yesi kuendelea. Quand les gens ne veulent pas prier. Wakati watu hawapende kuomba. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu. Ile aina mufaida ya Mungu. Que les gens ne viennent pas prier. Ya kwamba batu abapende abakuje kuomba. Tu ne viens pas prier. Aukwe kuomba. Mais tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alakini unafanya kazi ya Mungu. Non, tu fais l'œuvre du diable. Ile ni kazi ya shetani. Tu as de mauvaises pensées envers un frère, une sœur. Et c'est avec ces mauvaises pensées-là que tu feras l'œuvre de Dieu. Jo ilo tafanya nayo kazi ya Mungu? Non. Apana. Avec de la haine dans votre cœur. Na chuki mumoyo yako. contre les hommes de Dieu, contre les frères et les sœurs, vous allez faire l'œuvre de Dieu. Non, bien-aimé frère. Frère Branham disait, les disputes internes, les querelles internes affaiblissent l'Église. La persécution intérieure affaiblissent l'Église. Mais la persécution extérieure fortifie l'Église. Kanisa. Satan a déjà bien compris cela depuis longtemps. Shetani anesha kuelewa ile tangia zamani. Comme nous l'avons déjà dit. Paka vile tulikuwa nesha isema. Quand un peuple s'uni, une église unie, kanisa inajiunga, jamaa moja inajiunga, comme un seul homme, sawa mtu mmoja, Satan ne peut rien faire. Shetani hawezi kufanya kitu. Et quand Satan a compris cela, wakati Shetani alielewa ile, il a carrément changé de politique, de tactique. Alibadilisha namna yake ya kutenda. Comme il a fait, vile alifanyaka, dans la première église de la Pentecôte, mukanisa ya kwanza ya Pentecôte, il a infiltré, aliingizamo de faux frères, banduku babongo, de fausses sœurs, badada babongo, dans l'église, mukanisa. Il a aussi infiltré, aliingiza tena mbuficho, de faux prédicateurs, baubiri babongo, de faux serviteurs de Dieu, batumishi ya Mungu babongo. Pasteur, la babongo, aussi à la chair. Tout ça c'était pour yote ni ya, construire l'œuvre de Dieu. Et ni ya il avait ya commencé à Jérusalem. Il est à Jérusalem à Pentecôte. Non. Apana. Sa mission kazi yake était d'arrêter ya et de détruire na l'œuvre du Saint-Esprit kazi ya qui avait commencé à Jérusalem. Il est à Jérusalem. C'est ce que Dieu fait. Dieu qui le Mungu yuko nafanya. Et observer na mwangarishishe les faux dans l'église babongo mukanisa s'associe toujours avec les faux banekalaka nabo beko naungana paka na babongo. Tu ne peux jamais trouver awezi kamwe kukutanisha un véritable chrétien né de nouveau mukristo wa kweli mwenye kuzaliwa mara ya pili marchant dans la crainte de Dieu mwenye kutembea muboka bwa Mungu baptisé du Saint-Esprit mwenye ubatizwa Roho Mtakatifu s'associer avec un frère alijiunge na nduku moja faux dans l'église wa bongo mukanisa. Non frère, hapana nduku. Il est suffisamment averti par le Saint-Esprit alesho kalamusho sana na Roho Mtakatifu il vit de manière à s'éloigner de ce qui est de celui qui est faux. Eko naishi munamuna ya kusema achane na ule wabongo. Vous qui ne tombe pas dans son piège. Jua shanguke mumuteko yake. Vous verrez dans l'église. Mutaona mukanisa. Même regardez comment les sœurs font des groupes. Wangaria tana muna bantu batata. Que nous appelons les sectes. Beko nafanya tumakundi nkundi. Il y a un esprit mukoro qui les attire. Ile inavakokotisha, inavaunganisha. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpenda. La Bible dit. Biblia inasema. Qui se ressemble. Benye kufanana s'assemble batekala pamoja. Oui, bien, mes frères. Unaona ntuku mpeni tu vas remarquer utaona les sœurs batata qui sont médisantes bale bakushimangana ils forment un petit groupe batafanya kakundi kadogo de ceux qui médisent kavale banashimanganaka. Ils ont un objectif commun. Beko na kifuguzio kimoya. Ils ont une œuvre commune. Beko na kazi moya. Quelle œuvre commune qu'ils ont? Ni kazi kani moya ile beko nayo. Détruire. Ya kuharibu. La communion du Saint-Esprit. Ushirika Roho Mtakatifu. Katikati ya kanisa. Et quand la communion du Saint-Esprit est détruite. Wakati ushirika Roho Mtakatifu unavunjika. Est arrêté. Kazi ya Mungu nayo inashimama. Ne peut plus prospérer parce que Dieu ne peut pas travailler dans de telles conditions. Ayezi tena kuendelea juu Mungu hawezi kutumika mwile hali. Oui bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Badada wa mashimango. Toutes les sœurs médisantes. Utaona bobeko paka mkankunji yabo ya mashimango. Vous allez les retrouver dans leur groupe de médisantes. Na mkankunji yabo ya mashimango. Dans leur groupe de médisantes. Beko assemblé kupenda la sana. Elles font sembler s'aimer. C'est pour attirer les faibles. Njua kukota. Dans leur groupe. Bataifu mkundi yabo. Mais Alakini, ceux qui ont l'esprit de Dieu sont avertis. Ne pas tomber dans ce piège-là. Ils sont comme Zorobabel. Comme Josué. Sawa Yoshua. Ils veillent. Parce qu'ils ont été mandatés. Leur esprit a été réveillé pour bâtir la maison de Dieu. Il ne peut pas s'associer avec ceux qui sont faux. Oui, bien, mes frères. Un démon. Démon à moya. Avec un ange. Na malaïka moya. Ne peut pas marcher ensemble. Abawezi kutembea pamoja juu ya kutumika pamoja. Apana. Non, frère. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana dada. Vous trouverez des démons dans l'église. Mutakutanisha ma démona mukanisa. Ils ont un entendement corrompu. Beko na kusikia kwa kuharibika. Et même leur discernement est corrompu. Hata kutambua kwao kwa roho kunesha haribika. Ils entendent mal la parole. Barasikia mbaya. Neno la Mungu. Tout ce qui se fait dans l'église. Beko na tambua mbaya vyote vinafanyika mkanisa. Juu ya nini? Ils sont habités par les esprits destructeurs. Banashikwa na pepo mchafu ya kuharibisha. Roho ya adui. Et pourtant ils semblent japo banaonekana sa venir banakuya pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour construire l'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. Cela est fou. Nibia bongo. Quand ces ennemis de Juda wakati ya baba adui ba Yuda ont remarqué baritazama que cette reconstruction ya kwamba ima ye kujengulula kulikuwa naenda mbio majengo ilikuwa naenda mbio. Barisikia buivu. Kuko bantu frère, banaume na banamuke. Ya certaines personnes des hommes et des femmes. Salama ya hii kanisa. La paix de cette église. Aiwapachie bofura. Ne leur donne pas la joie. Maendeleo ya hii kanisa. L'avancement de cette église. Aiwalete fura. Ne leur apporte pas la joie. Il y a des hommes et des femmes. Kuko banaume na banamuke. Kaji ya botu. Leur travail. Ne critiquez kaji ya mungu. C'est seulement critiquer l'œuvre de Dieu. C'est décourager les gens. Ni kulekesha bantu. C'est Satan, frère. Ni Satan ou l'enduku. Quand tu rencontres un frère. Wakati ukikutanisha tu nduku moja. Tu rencontres une sœur. Unakutanisha dada moja. Qui parle à mal contre cette église. Ula nasemea vibaya hii kanisa. N'en doutez pas. Ushishakie. Vous êtes en face. Manake huku mbele. De l'ennemi de Dieu. Huku mbele ya adui wa Mungu. Cette église. Hii kanisa. Est une partie de l'œuvre de Dieu. Ni sehemu ya kazi ya Mungu. Et les ennemis de Dieu. Na maadui ya Mungu. Ne peuvent pas s'en réjouir. Hawawezi kufurahikia hii kazi. Ils critiqueront. Les frères, bo batanza kuzara ubanduku. Ils vont critiquer les sœurs. Na kubeula bandada. Ils vont critiquer les conducteurs. Batabeula biongozi. Tout ce qui se fait dans l'église. Yote binafanika mukanisa. Ils vont les critiquer. Bo batabibeula. Ils ne voient pas. Abaone. De bon œil. Na kona kuzuri. Ce que l'église fait. Kile kanisa nafanya. Il fallait que soit là. Ilipashi bo bakuyemo. Que la gloire. Dieu a utukufu. N'aye pas Dieu. Ishende Mungu. Alakini utukufu ibende. C'est nous qui avons fait. Shinjo turufanya, shinjo turujenga, shinjo turufanya bile, turufanya hiki. Nous avons fait cela. Turufanya si kile. Kama shia tukukuyeko. Kazi haikupashi kuendelea ni bia bongo. L'œuvre de Dieu. Kazi ya Mungu. N'avance pas dans les caprices des gens. Aiendelee mu mafierifieri ya bantu. Kazi ya Mungu. Prospère par la puissance du Saint-Esprit. Inaendelea kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Quand Dieu commence une œuvre quelque part. Kanza kazi fulani fazi fulani. Hakuna mtu hata moja wa kuisimamisha. Kazi ya Mungu itamalizika. Chini ya mkono wa uwezo wa Mungu. Na de tous les ennemis. Na kumufuruko ya badui bote. C'est pourquoi Dieu kwa mana. Ceux qui connaissent Dieu. Bale wanamjua Mungu. Il marche sans crainte. Beko natembea bila poka. Ils ne font pas attention. Awateke sikio. À ce que le diable fait. Ukile shetani yako nafanya. C'est Satan doit faire son travail. Shetani ndiye atafanya kazi yake. Dieu aussi doit faire le sien. Mungu naye anapaswa kufanya yake. Les ennemis de Dieu. Baadui ya Mungu. Doit faire leur travail. Wanapaswa kufanya makazi yabo. Mais les amis de Dieu aussi. Na barafiki ya Mungu nabo. Nabo wanapaswa kufanya kazi yabo. Mais l'esprit de Satan, roya shetani, peu importe ce qu'il fait, aizuru kile inafanya, ne vaincra jamais, ayezi kama kushinda, l'esprit de Dieu, roya Mungu. C'est vrai frère. Ndia kweri nduku. Ils sont venus. Bali kuja. Ils voulaient décourager. Baripenda kulekesha. Les exilés de retour. Vous et nous, nous allons construire. Munaona kama Josué, Zorobabel barichikaka. Si Josué Zorobabel avait accepté, kuanguka mumuteko, il devait tomber dans un piège de ses ennemis. Ils auraient le droit sur cette maison. Barifashkwa na alali urusa ya pa ile nyumba. Et Dieu et ces hommes l'ont compris leur mission, ils ont écarté. Awa bantu balielewa kazi yabo na kubaweka pembeni. Mais allez vous-même les ennemis lire l'ordre. Ata moi venye ba dit. L'ordre de mission que nous avons. Mwende musomenye agizo ya kazi bali tutumia. Cyrus ne nous a pas dit. Asuero asikutuambie. Vous ya kwamba mweye na sisi construire la maison de notre Dieu. Tutayenga nyumba ya Mungu wetu Yerusalemu pana. Asuero mwenye alituruhusu kurudia mwichi yetu. Alituambia nous allons construire la maison de notre Dieu. Ya kwamba ici à Jérusalem. Sisi wenyewe ndio tutayenga nyumba ya Mungu wetu mu Yerusalemu. Même dans le spirituel c'est la même chose. Hata mu kiro iko hivyo hivyo. La maison spirituelle de Dieu. Nyumba ya kiro ya Mungu. Construite avec des faux. Aiyengwe na watu babongo hapana. Non bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. La maison de Dieu. Nyumba ya Mungu. Est uniquement construite. Inayengwa tu. Avec les véritables fils de Dieu. Haka na watoto ya Mungu ya kweli. Il n'y a pas de part. Hakuna sehemu. Des enfants du diable. Ya watoto ya shetani hapana. Dans ce que Dieu fait. Mwile Mungu yuko nafanya hapana muna sehemu. Tout ce que Dieu fait dans son église. Yeye yote Mungu anafanya mkanisa yake. Il est fait dans l'intérêt. Anaifanya mfaida. De ses propres enfants. Ya watoto yake mwenyewe. Même lorsque Christ est mort au bois du calvaire. Hata wakati Kristo alikufa kwenye msalaba. Il est mort pour les démons. Ashikufuye mandemona hapana. Non. Hapana. Il est mort. Alikufa pour ses propres enfants. Alifuya watoto yake. Qui il avait vu? Benya alionaka. La soif d'être sauvé. Ala alionaka na kiu ya kokolewa. Même la guérison divine. Hata utunzo ya kimungu. La guérison divine. Utunzo ya kimungu. N'est pas pour les enfants du diable. Aina ya watoto ya shetani. La guérison divine. Utunzo ya kimungu. Est une bénédiction rédemptrice. Ni baraka ya ukombozi ya watoto ya Mungu. C'est vrai. Dio. Tout ce que Dieu fait. Ile yote Mungu anafanya. C'est dans l'intérêt. Ni mofaida. Des enfants de Dieu. Ya batoto ya Mungu. C'est pour la consolation. Ni Dieu afaraja. Des enfants de Dieu. Ya batoto ya Mungu. C'est vrai. Mbia kweli. Dans Ezra chapitre 4. Mwa Ezra sura ya 4. Dans son verset 4. Mustari ya 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Watu wa inchi wakalekesha taifa ya Yuda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Bakabasonga juu ya kubuzuiza bashiyenge. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Na wakaleta franga na washauri juu apate kushimamisha majengo ishendelee. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus. Ilifanika hivi mu maisha yote ya Asuero. Roi de Perse. Mfalme wa Perse. Jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Kufika na utawalo ya Darius mfalme wa Perse. Ses anciens ennemis. Aba baadui. Quand ils se sont vus refuser. Wakati bariona asema vanabakataria. De participer à l'œuvre de la reconstruction de la maison de Dieu. Il savait que c'était Cyrus le roi. Vile baliwasima Asuero ndio mfalme. Il avait donné l'ordre de rebâtir la maison de Dieu. Ya kuyengulula nyumba ya Mungu. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. Ils ont contourné le roi d'Assyrie. Bari musunguka mfalme wa Asuero. Ils sont même allés chez ses conseillers. Bakaenda ata kubashauri yake. Beaucoup d'argent aux conseillers. On va passer fais à mingi vale bashauri ba falme conseiller du roi ba fal ba shauri ya mfalme mettez des bâtons jo baranza kuzuiza dans les roues de captifs retournés à Jérusalem jo baranza kuzuiza vale ba fungwa barikuwa na yenga même aujourd'hui ata leo autour des présidents de roi pembeni ya mfalme na baraisi. Il y a des gens, des fausses conseillers, à cause de leur intérêt, à cause de l'argent, ils peuvent faire échouer même le plan ou le projet du président ou du roi. Les gens du pays, les ennemis de Judas, ils ont beaucoup versé d'argent aux conseillers du roi d'Assyrie, du roi d'Assyrie, le roi de Perse, pour que ce projet échoue. Ils étaient déterminés. L'œuvre de Dieu s'est arrêtée momentanément. Kazi ya Mungu ilisimama kwa muda. Mais l'œuvre de Dieu ne pouvait pas échouer. Alakini haikupashi kushindwa. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Tu peux tuer un homme. Unawezi kuwa mtu moyo. Tu peux critiquer un homme. Unawezi kubeula mtu moyo. Mais l'œuvre de Dieu. Alakini kazi ya Mungu. Tu ne peux rien faire. Hauwezi kufanya kitu. L'œuvre de Dieu est une pierre pesante. Kazi ya Mungu ni jiwe ya buzito. Tout homme. Ile kuna ponda mtu wote mwanaume na mwanamke. Ule anaokaa. Avec de mauvaises anakaribia na mania mbaya. Mais pour ceux qui aiment le Seigneur, wale wanaompenda Bwana, ils sont réellement bâtis. Wanajengwa kabisa. Un fondement qui ne peut être ébranlé. Yule ya msingi la haiwezi kutenka. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Ses ennemis découragèrent le peuple. Aba ba adui barilekesha taifa. Ils les intimidaient. Na kubafukuma kubafokea. Ils ont corrompu les conseillers avec l'argent. Bari kata milomo washauri na feza. Même parmi les juifs les plus influents. Hata katikati ya Yuda wale walikuwa na uvuto. Ah, on les corrompait. Barikuwa na wakata milomo. On les intimidait. Na kubafokea. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Les méchants sont toujours là. Batu baovu beko ako. Dans Galate, comme l'écriture me vient à l'esprit. Regardez dans Galate au chapitre 5. Dans son verset 7. Mustari Yasaba. Écoutez, il y a toujours des méchants. Galate chapitre 5. Galate chapitre 5. Dans son verset 7. Mustari ya. Jusqu'au verset 12. Saba na kumi na mbili. Vous courriez bien. Murkwana tembea mzuri. Qui vous a arrêté? Nani alimisimamisha? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Dieu a kumizuiza mushiti tena ukweli. Vous couriez bien. Murkwana kimbia mzuri. Pale uriamini. Lorsque tu as cru. Ulikuwa uko natembea tu mzuri. Tu marchais correctement. Unaenda tu kuambatana na ba frères ba bongo. Tu es allé t'associer avec des faux frères. Na ba sœurs ba bongo. Et des fausses sœurs. Des insatisfaits. Batu basipo kutosheka kufuraikia. Des mécontents perpétuels. Batu basipo kutosheka kwa kila wakati. Bana kuambia masauti ya bongo. Ils t'ont dit des fausses paroles. Wewe ulikuwa unaendelea mzuri. Toi qui persévérais correctement. Maintenant tu t'es arrêté, tu commences à rétrograder. Il y a quelque chose de faux. Kuku kitu akendeke. Muma sauti yote ya bongo. Dans toutes les fausses paroles. Muko shetani. Il y a les diables. Muma sauti yote ya bongo. Dans toutes les fausses paroles. Que vous recevez dans votre cœur. Muko démon. Il y a un démon. Kama unapokelea, si vous recevez, mawazo mubaya, mauvaise pensée, ma conseil mubaya, des mauvais conseils, ma calomnie ya muntu contre un frère ou une sœur, calomnie d'un frère contre un frère ou une sœur, et ça s'assoit dans ton cœur, ton cœur va mourir ou ton âme va mourir. Bien, mes frères. On a dans tout compendo. Quand tu voyais un frère, tu étais content avec lui. Wakati ulikuwa unamuona ndugu ulikuwa unamfurahikia. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'es pas content? Asa juu ya nini leo umfurahikie tena? Quand tu voyais une sœur, wakati ulikuwa unamuona dada fulani, tu te réjouissais dans ton cœur. Ulikuwa unamfurahikia mroho. Mais aujourd'hui, sasa leo, pourquoi tu ne te réjouis pas? Juu ya nini umfurahikie tena? Wakati unamuona ule dada ule. C'est parce que tu as prêté l'oreille. Ni juu ulitega kama sikio. Tu as été en compagnie. Ulikuwa mushirika. Des ennemis de Dieu. Ya badui ya Mungu. Ils ont semé en vous des démons. Banapanda ndani yako mademona. Ils ont logé dans votre cœur des démons. Banaweka muroho yako mademona. Et tu ne peux plus avancer. Na uwezi tena kuendelea. Ushaanze kuwajaka kusema, il faut pas croire que ma conseil yote sera au dada kuna sera au frère on akupatia. Tous les conseils qu'un frère ou une sœur te donne, ce sont des bons conseils. Apan. Il faut pas croire à cela. Cette personne frère, qui vient te mentir, frère, sana. Je t'aime tellement, ma soeur, je t'aime beaucoup. Sana. Il t'aime beaucoup. Sana. Tu les plais. Lorsque toi tu ouvres ton oreille et ton cœur, alors il te dira, va, telle soeur, c'est une méchante, tel frère, a fait ceci et cela. C'est lui qui te parle là. C'est lui le Satan. Tu ne verras jamais le diable avec des cornes. C'est la sœur ou le frère là qui te rapporte qui est Satan. Il vient ronger ta foi. C'est lui qui vient t'arrêter pour ne pas prospérer dans l'œuvre de Dieu. Tu avais bien pourquoi commencé, tu avançais correctement, tu te réjouissais de tous les sœurs ou de tous les frères, tu aimais les serviteurs de Dieu, tu n'avais pas de problème avec eux. Aujourd'hui, maintenant dans ton cœur là, cette froideur là, ça vient d'où? Tu marchais correctement. À l'église, tu venais tous les jours. Maintenant tu ne viens plus régulièrement, pourquoi? C'est puisque tu as accepté que les démons puissent loger dans ton cœur. C'est puisque tu as prêté tes oreilles aux ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu. Ils ont semé une mauvaise semence en toi. Ils ont semé une mauvaise semence en toi. Ils t'ont mis des démons dans ton cœur. Maintenant, lorsque les démons commençaient à travailler, pardon? Ah, le Saint-Esprit aussi t'a quitté. Les démons ne peut pas œuvrer ensemble avec le Saint-Esprit. Dans ton cœur, il ne peut pas y avoir à la fois Dieu ainsi que les démons, non. Tu marchais correctement. Maintenant, tu ne marches plus correctement. Vois-tu? La Bible dit, la mauvaise compagnie, barafiki babaya, toujours les bonnes mères, manaribishaka mwikario muzuri. Kama unatembea tu na ndumba, dès que tu fais compagnie avec une prostituée, ndumba, même si tu n'as jamais été prostituée, paka kufanya bundumba, tu finiras par être prostituée aussi. Toutes les justifications que tu peux avancer kama sont fausses. Dès que tu fais compagnie avec un voleur, paka kuiba, tu finiras aussi par voler. Où t'allais ta justification pour moi, Anzo? Tu peux donner des justifications au début là. Il est yote ni yabon. Tout ça, c'est faux. Où qui t'aime na mwanamuke mubaya? Dès que tu fais compagnie avec une mauvaise femme, mubaya, tu fais mauvaise compagnie avec un mauvais homme, tu finiras par te corrompre. Je m'étonne certaines personnes. Aou ya zongana kachiku atam moya. Tu n'as jamais eu de différent avec... Tu ne t'es jamais tiraillé avec frère. Tu ne t'es jamais bagarré ou insulté avec lui. Changé de parole. À cause de ce que les ennemis de Dieu ont mal parlé de Mundu, maintenant dès que tu vois Mundu, tu te fâches. Pourquoi tu te fâches contre quelqu'un avec qui tu n'as jamais été différent? C'est pourquoi mina semaka wajiwaji. C'est pourquoi j'ai toujours dit ouvertement. Urafiki bote bwa kuunga, wibuunge paka na muntu wa kusaidia muimani. Il faut nouer d'amitié avec quelqu'un qui peut t'aider dans la foi. Apana kuunga burafiki juu muntu yako na kupatia bunga. Il faut pas nouer d'amitié puisque on te donne des présents. On te donne un peu de 5000, 2000, un peu d'argent là, de 5000. Anakupatia ka kilo ka Thompson. Te donne un peu de kilo de poisson. Wende ujiche nafsi yako. Pour que tu ailles vendre ton âme. Et stopper l'œuvre de Dieu. Thompson ya kuoza. À cause de Thompson qui est déjà détérioré. Il faut que vous soyez vous-même corrompu. Il n'a pas joué na wewe wa kuoza wa kuharibika. Un véritable chrétien, mon Christ soit bien quelli. Une véritable chrétienne, mon Christ mon amour que ne peut jamais accepter que l'œuvre de Dieu s'arrête en lui. Il y a quoi cause de d'une compagnie. Wajili ya burafiki, bushiriki. Pour des intérêts charnels. Wajili ya mafaida ya mwili hapana. Dieu a récupéré comme chambre à kurima. Puisqu'il t'avait donné un champ dans lequel tu cultives. Vous quittez ensemble, vous êtes en train de critiquer les gens ensemble, sur la route. Les maïs vous écoutent ainsi que les oiseaux. Il m'a aimé, c'est pourquoi il m'a donné les champs. Il t'a donné les champs, maintenant comment évolue ton âme? Lorsque j'étais en difficulté, il m'avait donné l'avance de $100 pour que je puisse payer les loyers. L'église ne m'avait pas aidé. C'est pourquoi je l'aime tellement. Tu es un insensé. Tu es comme ces hommes ici. Babantu. Qui corrompait les gens pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Quand Satan est qu'on a tout mis, est très sérieux. Si le diable travaille, lui, il est sérieux. Satan peut utiliser tout ce qui est à sa disposition pour déranger l'œuvre de Dieu. Comme ils l'ont fait ici. Ils ne l'ont pas arrêté. Mais ils l'ont dérangé. Ils n'ont pas fait jouer l'œuvre de Dieu. Mais ils l'ont dérangé. Ils l'ont retardé. Vous couriez bien. Et qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Empêcher la parole de Dieu, vous étiez vraiment très... Tu étais excité. Voyez. Amen. Tu ponctues par amen. Aujourd'hui, tu ne ponctues plus par amen à la parole de Dieu. Cette influence. Il est où vous toi? Ne vient pas. Aïtoke. De celui qui vous a appelé. Waoula limita pana. Un peu de levain. Chacho kidoko. Fait lever toute la pâte. Ikuna vimbisha mukate yote mzima. C'est vrai frère. Biakweli nduku. C'est vrai ma soeur. Biakweli dada. J'ai cette confiance en vous. Niku na tumaini dans le Seigneur. Dani ya Bwana. Que vous ne penserez pas autrement. Ya kwamba mwezi kwaza. Mais celui qui vous trouble. Alakinu na mifurusha. Quel que soit. Ataka mani nani. Emportera la peine. Ye mwenyewe atachukua ile buzito. Oui. Dio. Tous les démons, ma démona yote, tous les démons qui troublent l'église, ma démona yote na zuru kanisa, seront sévèrement châtiés par le Seigneur. Ataya pisa vikali kwa Bwana. Leur jour arrive. Siku yabo iko nakuja. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Les ennemis de Dieu. Baadui ya Mungu. Par jalousie. Kupitia wevu kwa chuki. Avec des calomnies. Na masingiziano. Ils ont accusé ces hommes de Dieu. Barista qui va tumishia Mungu. Parce que pour eux, il fallait que l'œuvre de Dieu s'arrête à tout prix. Wabobo walipenda kazi ya Mungu isimamishwe. Oui, bien-aimé frère. Dio ndoku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. C'est ce que Satan fait. Na ncho kile shetani yeko nafanya. Frère. Nduku. Satan ne vient pas en grand. Shetani ashiku yake mukinene. Pour détruire l'œuvre de Dieu. Dio akuharibisha kazi ya Mungu. Cantique de Cantique dit ceci. Nimbo ya Solomon, Cantique de Cantique chapitre 2. Nimbo Solomon sur Mbili. Ah, dans son verset 15. Musari ya 10. Prenez-nous les regards, les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Frère, des petits renards, je me souviens, une fois là, j'avais beaucoup parlé sur les petits renards. Vois bien mes frères. Des petits renards sont les plus grands ennemis de la vigne. Tous les tomates démons qu'on a semé tout l'eau. Ces petits démons que vous considérez en miniature. Qui te taquinent. Ils sont en train de te taquiner. Voilà, ce sont ces démons-là qui rongent la foi. Ce sont ces démons-là qui détériorent l'œuvre de Dieu. Quand vous regardez les choses qui détruisent l'église, qui refroidissent l'église, des calomnies, des mensonges, de la jalousie, vous voyez, des inimitiés, visiblement ça paraît être moindre. Mais si vous regardez les gens dans l'église, tel que vous êtes assis là, c'est comme si vous êtes des anges. C'est comme si vous tous vous avez le Saint-Esprit. C'est comme si vous tous vous aimez. C'est comme si vous n'avez pas de problème. Mais au fin fond de cœur des gens qui sont dans l'église, il y a beaucoup de démons qui arrêtent l'œuvre de Dieu. Imaginez une sœur qui quitte la maison. Voilà, il se rencontre avec un autre démon sur la route. Bonjour ma sœur, comment ça va? Comment ça va? Causer. Ils vont causer pendant longtemps. Toutes deux là s'absentent même de l'église. Oh, le temps d'aller à nous nous absentons. C'est fini. Le temps est passé. C'est les démons que tu as croisés sur ton chemin. Démons. Il te fait absenter de l'église. Toi aussi tu es un petit démon. Toi tu as quitté ta maison pour aller écouter la parole de Dieu à l'église. Mais tu t'arrêtes à mi-chemin, pourquoi? Pourquoi tu t'es arrêté? Toi tu es allé à l'église. Entrons d'abord ici à l'hôpital pour aller consoler un malade. Pendant qu'il est temps d'aller adorer, est-ce que c'est ça le temps d'aller visiter les gens? Il y a un temps pour toutes choses. Mukili ya kitu kikuna wakati. Dès que tu quittes ta maison pour aller à l'église, il faut pas attendre quelqu'un sur la route. Lorsqu'on t'a baptisé, est-ce qu'on t'a baptisé avec quelqu'un? Qui est-ce que tu avais attendu pour que vous soyez baptisés ensemble? On t'a trempé dans l'eau. Qui est-ce que tu as attendu pour que vous soyez tous immergés dans l'eau? Quand les serviteurs de Dieu te posaient des questions, tu attendais que l'autre vienne te donner des réponses pour répondre. Et tu ranzo kuchunga mtu mwingine akwa kujibie, akupatie majibu yao kujibu nayo. Oui frère. Unaona ntuku. C'est faux frère. Bya bongo ni bibaya. Comment toi qui venais à l'église, tu t'es absenté à mi-chemin? Toi qui venais à l'église, tu trouves un démon qui te dit, non ici il y a des, on peut s'arrêter pour quelques minutes et nous allons évoluer. Tu t'arrêtes là au dé. Tu oublies même que la parole de Dieu est prêchée. Tu t'as... Oh, je me suis absenté de l'église. Je suis entré au dé pour consoler pour quelques minutes, mais voilà, m'absenter de l'église. Tu n'es pas de Dieu. Tu es habité par des démons. Tu n'as pas l'intérêt de construire la maison de Dieu. Auna na faida ya kujenga nyumba ya Mungu. Tu n'es pas de la race pure. Auna wa kizazi safi. De ce que Dieu a invité. Ya vale Mungu alialika. Pour aller à Jérusalem. Ya kwenda ku Yerusalem. Kumuyengea nyumba yake. Toi tu es un destructeur. Wewe kumuharibifu wa kupomona. C'est pas tu n'as pas de discernement. Joko maana una na kutambua kwa roho. Eh bien, mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Wako na kwa kanisa. Toa kivene ya legi. Anatoka kwa mashamba ya kuria. Tu trouve quelqu'un qui vient du chat qui n'a même pas encore mangé. Attends-moi. Attends-moi, je vais me laver. Que je mange même un peu vite vite là. On va partir ensemble. Uko malari? Tu es malade? Qu'il te suive, n'est-ce pas? Il connaît les chemins qui mènent vers l'église. Es-tu un aveugle pour que tu puisses les conduire sur les chemins? Que je me lave vite, vite, tu peux m'attendre un peu. Et je mange un peu vite, vite là. Dès qu'il termine à manger, non, attendez que je me repose un peu, il y a encore du temps. Mais notre voisin païen arrive, commence à parloter là-bas. Il y a certains démons. Il est très courageux. Il a odari. Comment t'es-tu absenté, mon pasteur? Mon pasteur, j'étais en train de venir à l'église. Je venais à l'église. Le démon m'a arrêté à mi-chemin. Ce n'est pas démon. Toi-même qui as aussi des démons. Upana. Répond la profondeur. Il n'a été upana ingine. Moi, je ne peux pas m'absenter de l'église. Dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. Mon faïda ya mutu mungine apana. Apana nduku. Non, ma sœur. Apana dada. Les ennemis qui détruisent l'œuvre de Dieu. Bah, Dieu va lever qu'on a pomona kazi ya mungu ni bamingi. Quelqu'un qui a besoin de s'absenter de l'église, il te dit. Allons d'abord à l'Ikasi. Nous allons rentrer vite, vite avant l'heure d'entrer au culte. Pendant que dans son cœur là, il ne pensait d'aller à l'église. Il n'avait même pas le programme d'aller à l'église. Qu'il ait beaucoup de gens. Dieu a quoi qu'on avance tout mingi. Dans son comportement. Mutabia yake mule. Alors, ils invitent ces gens-là. Et qu'on a allé qu'avant les ventes, ça devient comme une consolation. Il n'a quoi sa faraja. Oh, nous sommes absentés. Toi aussi, tu t'es absenté. Et toi aussi, hein. Vraiment. Ah, l'écriture dit. Vraiment, c'est Pharaon qui nous a beaucoup souffert. Tu es habité par des démons. Tu es allé à l'Ikasi, vite, vite, là pour rentrer. Mais nous avons trouvé, il a plu, abondamment. Tu n'avais pas l'intention de venir à l'église. Tu es seulement un destructeur de Dieu. Tu es l'ennemi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière, nous allons continuer. Tu m'as Dieu à ma ombi, tout a indélé à question. Voyez, Munaona. Ces ennemis, ni abadoui. Voyez. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont les gens qui détruisent l'œuvre de Dieu. Qui ont un comportement opposé à l'esprit de Dieu. Et à la volonté de Dieu. Ceux qui détruisent l'œuvre de Dieu. Prions. Tu ombe.